Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalat wassalam ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Donc mes frères et mes sœurs, nous allons bi'idhnillah continuer ensemble l'explication de ce poème Manhaj al-Haq l'imam Si'di rahimahullahu ta'ala, et nous allons insha'allahu ta'ala baser notre explication sur l'explication de notre cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi hafidhahullahu ta'ala, en suivant les conseils de notre cheikh bien-aimé, cheikh Ubaid al-Jabiri, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il a conseillé nos frères de Maktab al-Salafiyya à Birmingham de prendre la science de deux savants, al-Allama cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari et de cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi hafidhahum allahu jami'an. Donc inshallah ta'ala, nous allons baser notre explication sur l'explication de cheikh, et nous allons voir plusieurs sujets. Et pour être très honnête avec vous, il a été très difficile de préparer le cours dans la mesure où ce sont des sujets très vastes et qui nécessite d'être expliqué sur une série de cours. Chaque sujet nécessite plusieurs cours pour pouvoir l'expliquer complètement. Cependant, nous avons à peu près une heure pour expliquer la croyance au messager, la croyance concernant As-Sahaba, les compagnons, la croyance concernant Ahlul Bayt, les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la croyance concernant Al-Qur'an, la croyance concernant Al-Qadr et la croyance concernant Al-Iman. Donc il était très difficile de condenser et de résumer la parole de Cheikh. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Allahumma amin. Donc on commence inshallah, on va lire la parole de Cheikh en arabe puis la traduction bi'idhnillah. Cependant, si je vois que le temps s'amoindrit, bi'idhnillah, on lira que la partie française afin de pouvoir terminer à temps inshallah ta'ala. Donc il nous dit l'imam, wa nashhadu anna Allah arsala ruslahu بآياته للخلق تهدي وترشد. L'imam nous dit, et nous attestons qu'Allah a envoyé ses messagers avec ses signes afin de guider et orienter les créatures. Cheikh Arafat explique ce sujet et nous dit, donc bien sûr, c'est un condensé, un résumé de l'explication de Cheikh, donc j'ai essayé de prendre les points les plus importants de l'explication de Cheikh. ما معنى الإيمان بالرسل؟ لابد أن نعلم أنه ركن من أركان الإيمان، فلا يسع إيمان العبد إلا بهذا. والمقصود ومعنى الإيمان بالرسل أن تؤمن بأن الرسالة التي جاء بها كل رسول أنها حق، وأن الله هو الذي أوحى إليه بهذه الرسالة. Que signifie donc la foi au messager ? On doit savoir, mes frères, que celle-ci est un pilier parmi les piliers de la foi. Ainsi, la foi du serviteur ne peut être correcte excepté avec celle-ci. La signification de la foi au messager est le fait de croire que le messager avec lequel est venu chaque messager est une vérité. Yani, le fait de croire que le message avec lequel est venu chaque messager est une vérité. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui leur a révélé ce message. Wa kadhalik an tu'min bihadha ar-rasul idha akhbarana Allah 'azza wa jalla 'anhu a'lamana 'an ismihi ka Nuh wa Ibrahim wa Isa wa hadha huwa al-iman at-tafsili bir-rusul wa amma man lam yukhbilna bismihi wa akhbara annahu arsala rasulan nu'minu bihi al-iman al-ijmali. Également que tu crois en ces messagers qu'Allah nous a informés, ceux dont il nous a appris leur nom, comme Nuh, comme Ibrahim, comme Isa, etc. Ce qu'on appelle la foi détaillée. Ainsi que ceux dont Allah ne nous a pas mentionné leur nom, mais il nous a informé qu'il a envoyé des messagers, donc nous y croyons. Et c'est ce qu'on appelle la foi globale. Wa kadhalik min al-iman bil rusul an nusaddiqahum fi kulli ma naqaluhu 'anillah wa la shakka an hadha al-maqsud bihi ma sahha min al-akhbar li anna min al-akhbar ma la yasih fa kullu ma sahha yajibu an tusaddiq bihi wa an tu'mina bihi bi annahu haqq. Également fait partie de la foi au messager, mes frères, le fait de rendre véridique tout ce qu'il nous a rapporté de notre Seigneur. Tout ce qu'ils nous ont rapporté de notre Seigneur. Bien sûr, le sens voulu ici concerne ce qui est authentifié parmi les informations. Car, comme vous le savez, il y a des informations qui ne sont pas authentiques. Et donc, de ce fait, tout ce qui n'est pas authentique de la part des messagers, on le rejette. Mais ce qui a été authentifié, alors il est impératif de le rendre véridique et de croire que ceci est la vérité. تعمل بما جاء به الرسل فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة جاء بدين وهو خاتم أولاه الأنبياء والرسل فهذا يجب تصديقه وكذلك العمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. Puis ensuite tu dois œuvrer avec ce que les messagers ont rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec une législation et avec une religion. Et c'est le sceau de ces prophètes, le dernier de ces prophètes et messagers. Il incombe donc de le rendre véridique et de vrai avec ce qu'il est venu. Wal mu'allif yaqul bi ayati lil khalqi tahdi wa turshidu, ya'ni anna haulahi ar-rusul arsalahum hidayatan lin-nas, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Et l'auteur mentionne dans son poème avec ses signes afin de guider et orienter les créatures, c'est-à-dire que ces messagers ont été envoyés pour guider les gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans son livre au sens approché, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Et Allah est le puissant, le sage. لماذا أرسل الله الرسل لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور لإسعادهم حتى يعرف ربهم ويوحده ويعبدونه هذه هي الفائدة من إرسال الرسل وأنزل عليهم كتبا. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il envoyé les messagers? Afin de guider les gens, afin de les sortir des ténèbres pour les guider vers la lumière, afin de les rendre heureux qu'ils connaissent leur Seigneur, et ainsi qu'ils appliquent le tawhid d'Allah et qu'ils l'adorent. Ceci est la sagesse dans l'envoi des messagers et dans la descente sur eux des livres. لِهَذَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَنَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رُسْلَهُ بِآيَاتِهِ هَذِهِ هِيَ الْكُتُبُ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ وَهِيَ الْآيَاتُ الشَّرْعِيَّةُ وهناك آيات تتعلق بالمعجزات وبالخصائص والفضائل فإن الله قد خص الأنبياء وفضلهم. Et voilà mes frères pourquoi l'auteur mentionne et dit, et nous attestons qu'Allah a envoyé ses messagers avec ses signes, c'est-à-dire les livres d'Allah, les livres qu'Allah a descendus sur eux et qui sont appelés al-ayat al-shar'iyya. Et il y a également des signes qui sont en rapport avec les miracles, les spécificités et les mérites avec lesquels Allah a spécifié et favorisé les prophètes. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. Et c'est pour ça que l'auteur mentionne et dit ensuite dans le vers numéro 18, et il a favorisé les messagers entre tous les autres êtres humains par sa sagesse, le parfait, l'immense, celui pour qui on atteste son unicité. انتقل الى ما يتعلق بان الله سبحانه وتعالى فاضل بين الانبياء وهذا جاء في كتابه ان هناك يوجد تفاضل بين الانبياء والرسل ومعنى التفاضل بينهم هو ان الله قد يخص بعضهم بما ليس للاخر. Et l'auteur mentionne ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé certains prophètes. Et ceci est rapporté dans le livre d'Allah, dans lequel il mentionne subhanahu wa ta'ala qu'il existe des différenciations entre les prophètes et les messagers. Et le sens de différenciation ici, c'est le fait qu'Allah a spécifié certains d'entre eux avec des choses qui ne sont pas présentes chez les autres. فَهُمْ جَمِيعًا قَدْ اشْتَرَكُوا في صفة معلومة معروفة وهو أنه من البشر وأوحى الله إليهم وحيا وخصهم بذلك الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فاصطفاهم. Et donc ces messagers et ces prophètes possèdent tous des caractéristiques connues, comme le fait qu'ils soient tous des êtres humains et qu'Allah leur a révélé une révélation, et il les a spécifiés par rapport aux autres êtres humains par cela. Et Allah a choisi parmi les anges des messagers ainsi que parmi les êtres humains. لكن هناك شيء زائد أنه فضل بعض النبيين على بعض وفضل بعض الرسل على بعض كما قال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن هذا هو معنى التفاضل أنه يختص بعضهم بما ليس للآخر فمثلا موسى عليه السلام معروف أنه كليم الله هذه منقبة خصه الله بهذه المنقبة العظيمة أنه كلم الله سبحانه وتعالى. Cependant, Allah a favorisé certains prophètes sur d'autres. Et il a favorisé certains messagers sur d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Et il en a élevé d'autres en grade. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sens approché, et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à d'autres. Ceci est donc le sens de la différenciation, c'est-à-dire qu'il a spécifié certains avec des choses qu'il n'a pas données aux autres. Par exemple, il est connu que Moussa alayhi salam, il est connu pour être Kalimullah, celui à qui Allah a parlé directement. Et ceci est une faveur qu'Allah a spécifiée pour lui. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَا عَلَى أَنَّ الرُّسُلْ أَفْضَلْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. Et les savants sont tous unanimes pour dire que les messagers sont meilleurs que les prophètes. Et donc ici, on va faire une parenthèse, on va sortir de l'explication de Cheikh Arafat, hafizahullah, pour expliquer la différenciation entre un prophète et un messager. وَمَا الْفَرْقْ بَيْنَ رَسُولُ وَالنَّبِيِّ قَالَ الْعَلَّامَ شِيخ رَبِيعِ إِمْنُ هَادِي الْمَدْخَلِي حفظه الله تعالى في شرح عقيدة السلف للصابوني رحمه الله تعالى هنا تفريقات بين الرسل والنبي، منها قولهما المشهور الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا ليس بصحيح، فإن الأنبياء يبلغون في الجملة لكن لم يكلفوا بدعوة الكفار، وإنما يبلغون أتباع شريعة معينة مثل بني إسرائيل كثر فيهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن ما كانوا يرسلون إلى غير بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يهكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إذن شيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mentionne dans son explication de Aqidatul Salaf de l'imam al-Sabouni rahimahullah, il existe beaucoup de paroles sur la différence entre un messager et un prophète. Et la plus connue de ces paroles mentionne qu'un messager est celui à qui une législation a été révélée et qui a été ordonné de la transmettre, alors qu'un prophète est celui à qui une législation a été révélée mais qui n'a pas été ordonnée de la transmettre. Mais Shir dit ceci n'est pas correct. En effet, les prophètes transmettent en général, mais il ne leur est pas demandé d'appeler les mécréants. Ils sont envoyés pour avertir les suiveurs d'une législation précise, comme les fils d'Israël. Il y a eu de nombreux prophètes chez eux, mais ils n'étaient pas envoyés pour autre que les fils d'Israël. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, au sens approché, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah. وهذه فائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي في كتاب النبوات وفيها توسع. Et cet enseignement dit Cheikh Rabi' est tiré de la parole de Shir al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre qui s'appelle An-Nubuwat, hein, et dans ce livre il développe hein, le sujet beaucoup plus. Puis un peu plus loin il dit Shir Rabi' wa ta'arrada Shir al-Albani rahimahullah marra li hadhihi al-qadiyya fi dars min ad-durus fa qala kayfa la yuballighun al-ajaiz ma'murun bit-tabligh fa kayfa bil-anbiya alayhim as-salatu was-salam لكن تبليغهم إنما يبلغون رسالة من قبلهم انتهى كلامه حفظه الله تعالى من كلام الشيخ ربيع. Et Cheikh Rabi mentionne qu'un jour Cheikh Al-Albani hein, a traité ce sujet dans un de ses cours et a dit: comment est-il possible qu'ils ne transmettent pas? Les faibles sont ordonnés de transmettre, alors que dire des prophètes alayhimus salatu wassalam? Cependant, leur transmission concerne le fait de transmettre un message envoyé avant eux. Et donc, on revient, inshallah, à l'explication de Shir Arafat. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَجْمَلَ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْفُرْقَانِ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: شرع لكم من الذين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين. Donc les savants sont unanimes pour dire que les meilleurs des prophètes, sans contestation, le meilleur d'eux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle belle parole qu'a mentionné Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, hein, qui est mort en 728, dans son livre Al-Furqan, il a dit: et les meilleurs des alliés d'Allah, ce sont ses prophètes. Et les meilleurs de ses prophètes, ce sont les messagers d'entre eux. Et les meilleurs des messagers, ce sont Ulul Azm, c'est-à-dire Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit dans le Coran, au sens approché: il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim et Moussa et Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Hein, vous voyez ici, il a mentionné les cinq prophètes, les cinq messagers Ulul Azm. Également, il dit au sens approché: lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que toi, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, fils de Maryam, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Et donc, le meilleur de ces Ulul Azm, c'est bien sûr Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, l'imam des pieux, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'imam il dit, l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, فَأَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ نَبِيُّ الْهُدَى وَالْعَالِمِينَ مُحَمَّدُ وَالْعَالَمِينَ مُحَمَّدُ. Et le meilleur de la création d'Allah sur terre et dans le ciel, c'est le prophète de la guidée et de l'univers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يعني أن أفضل أهله هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله كما قال القاضي عياد رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء نقل الاتفاق على ذلك قال لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفاء. C'est-à-dire, hein, ces deux, ou ce vers plutôt, signifie que le meilleur de ces messagers, de ces prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de divergence dans le fait qu'il soit le plus noble des êtres humains, le maître des enfants d'Adam, et la personne qui a le meilleur rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a mentionné Al-Qadi Iyad, hein, qui est mort en 544 de l'Hégire, dans son livre Al-Shifa, lorsqu'il mentionne le consensus concernant ce sujet, en disant: pas de divergence dans le fait qu'il soit le plus noble des êtres humains, le maître des fils d'Adam, la personne qui a le meilleur rang auprès d'Allah, celui qui a le plus haut degré et le plus proche. Wa ma'louf an as-sunnah wa an-nusus ja'at fi dhalika wa hiya kathira. هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Et la sunna et les textes sont venus mentionnant cela, et ils sont très nombreux. Voici donc le rang du prophète صلى الله عليه وسلم, et voilà pourquoi Allah عز وجل a dit dans le Coran au sens approché: n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée. لما ذكر الحسن البصري هذه الآيات كما جاء عنه بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة قال ألم نشرح لك صدرك أي ملئ حكما وعلما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك قال ما أثقل الحمل الظهر ورفعنا لك ذكرك قال بلى لا يذكر إلا ذكرت معه. Et lorsque Al-Hassan al-Basri, hein, qui est mort en 110 de l'Hégire, rahimahullah, mentionna ces versets, comme ceci est rapporté avec une bonne chaîne de transmission dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba, rahimahullah, il dit, hein, il cite le verset: n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, c'est-à-dire rempli de sagesse et de science, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos ? Et il dit, et quelle lourde charge pour le dos, et exalté pour toi ta renommée. Et il dit, bien sûr, il n'est mentionné sans que je sois mentionné avec lui, yani Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Comme dans la shahada, toujours on dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Donc quand on mentionne le prophète, on mentionne hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-khayr alladhi na'ishu fihi وعاشت فيه هذه الأمة إنما هو بسبب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذا الخير وبلغ الأمانة وبلغ الرسالة. Et ce bien, mes frères et mes sœurs, ce bien dans lequel nous vivons aujourd'hui et dans lequel a vécu la communauté est par la cause de ce noble prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui a transmis ce bien, celui qui a transmis le dépôt, celui qui a transmis le message. Fi hadha man arada an yu'raf wa an ya'raf an ya'rif manzilatahu wa makanatahu la bud an ya'rifa fada'ilahu wa khasa'isahu allati manahahu Allah subhanahu wa ta'ala wa ya khasa'is 'azima la yalhiquhu fiha ahad min al-anbiya. Ainsi, mes frères, celui qui veut connaître son rang, qui veut connaître sa position, il se doit de connaître ses mérites, connaître ses spécificités avec lesquelles Allah l'a gratifié, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont des spécificités extraordinaires qui ne convient à aucun autre que lui parmi les prophètes. Et j'ouvre une parenthèse, notre shir, justement, shir Arafat, a un livre sur ce sujet, Ithaf al-Athar bi Rasa'is Sayyid al-Bashar, sallallahu alayhi wa sallam. Un livre dans les Rasa'is, dans les spécificités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, très moufide, très bénéfique, que je conseille à tous, hein, afin de connaître mieux notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fa ahlu sunnah yu'azzimuna hadha an-nabi al-karim bi kulli ma jaha fi kitabillah وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا إفراط ولا تفريط لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. Ainsi, mes frères, les adeptes de la sunna glorifient ce noble messager avec tout ce qui est venu dans le Coran et dans la sunna sans exagération ni laxisme. Allah mentionne dans son livre sans s'approcher pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et que vous l'honoriez, et que vous reconnaissiez sa dignité. إذن ختم المؤلف هذا الباب المتعلق بالرسل بأن أفضل الرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض والسماء يعني حتى إنه أفضل من الملائكة وهذا شيء مجمع عليه. Et l'auteur donc termine ce chapitre concernant les messagers en mentionnant que le meilleur des messagers sur terre et dans le ciel, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il est même meilleur que les anges. Et ceci, selon le consensus des savants de l'islam. ثم انتقل إلى عقيدة أهل السنة في الصحابة وفي أهل البيت فقال رحمه الله تعالى وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. Puis ensuite l'auteur donc mentionne la croyance des adeptes de la sunna concernant les compagnons et les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et Ar-Rahman a choisi pour lui ses compagnons qui ont établi la guidée et la religion en toute vérité et ont facilité. As-sahabi fawwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam wa sawa rawa 'anhu hadithan aw lam yarwi 'anhu wa sawa sharaka ma'ahu fi al-ghazw أو لم يشارك كل ذلك يدخل في مصطلح صحابة حتى لو كان لا يرى كالضرير أو الكفيف كعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. Donc un compagnon, un sahabi, c'est qui? C'est une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et qui est mort sur l'islam et qu'il ait rapporté un hadith ou non, qu'il ait participé aux batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. Ils sont tous compris dans la terminologie as-sahaba. Même s'ils ne voient pas comme l'aveugle, comme était Abdullah ibn Ummi Maktoum, un des muadhdhin du prophète qui était aveugle. Il est considéré comme un sahaba, comme un sahabi, radiallahu anhum. Wa sahaba fadluhum azim, wa makanatuhum la nadhira laha, fahum afdalun nas ba'da al-anbiya wal-rusul. Wallahu azza wa jal fil Qur'an yaqul, kuntum khayla ummatin ukhrijat lin-nas, fa'athbata lahum al-khayriya ala sa'il al-umam. فلا شيء يعادل هذه الشهادة العظيمة من الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Et le mérite et le rang des compagnons est immense et n'ont pas d'équivalent. Ils sont donc les meilleurs après les prophètes et les messagers. Ainsi, Allah nous dit dans le Coran au sens approché, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Ainsi, Allah a confirmé pour eux la supériorité sur le reste des communautés. Et il n'y a rien qui équivaut à ce témoignage extraordinaire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي حَقِّهِمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَإِنَّهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جعل لهم هذه المكانة فهم أمة وجعلهم وسطة ويوم القيامة يكونون شهداء على الناس كلهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran concernant les Sahaba au sens approché, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. Ainsi Allah les a agréés et il leur a donné ce rang. Ils sont donc une communauté. Il a fait d'eux des justes, et le jour de la résurrection, ils seront des témoins pour tous les gens. Wa qala Allah was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar khalidin fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. فهذه أيضا شهادة من الله فقد صرح برضاه عن الصحابة. Allah également nous dit, mes frères, dans le Coran au sens approché, les tout premiers croyants parmi les émigrés, et ainsi que les Ansar, hein, les musulmans de Médine, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée, et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ceci, une nouvelle fois, mes frères, est une attestation de la part d'Allah, dans laquelle il mentionne de façon claire qu'il a agréé les compagnons. Allah Akbar. Wa amara min al-umma kulliha alladhina ja'u ba'da ulaika as-sahaba an yastaghfira lis-sahaba wa la yadhkurunahu illa bil-jamil wa la yakunu fi qulubihim shay'un min al-ghil. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلى أردني الله سبحانه وتعالى أردني à toute la communauté, tous ceux qui sont venus après les Sahaba, de demander pardon pour les Sahaba, et qu'ils ne les mentionnent qu'avec des belles paroles. Ils ne doivent pas avoir dans leur cœur la moindre animosité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran au sens approché, « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune animosité pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » عندما ذكر الله المنافقين ذكر أنهم كسالى ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس لكن لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماء في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فهذا الفضل العظيم وهذه المكان التي لا نذير لها لا تكون إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Et lorsqu'Allah a mentionné les hypocrites, il mentionne qu'ils sont paresseux, qu'il se lève pour la prière avec paresse, plein d'ostentation. Mais lorsqu'il mentionne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au sens approché, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur description dans la Torah et leur description dans l'Évangile. Est celle d'une semence qui donne une pousse, qu'elle renforce, et voilà qu'elle se raffermit, et ensuite se dresse sur sa tige, suscitant l'émerveillement des semeurs. Allah fit qu'il en soit ainsi des croyants, afin de provoquer le dépit des mécréants. Et Shir Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, explique, les compagnons sont semblables à cette semence, dont les gens ont besoin, et de laquelle ils tirent profit. Fin de citation de l'imam Sa'di rahimahullah. Et donc ceci est un mérite et un rang extraordinaire. Et il n'y a pas de semblable. Et ceci est unique pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idhan athna Allah tabaraka wa ta'ala ala sahaba fil Qur'an. Wa ja'a dhikruhum wa thana alayhim fit tawra wal injil. وهذا فضل عظيم ما ليس لأحد بعدهم من الأمة فلما كان الأمر كذلك فكل صحابي أفضل من كل الأمة الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Ainsi mes frères, Allah a fait les éloges des compagnons dans le Coran. Ils ont été mentionnés et ils ont reçu les éloges dans la Torah et dans l'Évangile. Et ceci est un mérite extraordinaire qui n'appartient à personne d'autre dans la communauté après eux. Par conséquent, mes frères, chaque compagnon est meilleur que toute la communauté qui est venue après eux. Radiallahu anhum. Hadhi hiya as-sunna al-wadiha al-thabita al-bayina allati dhakaraha al-imamu Ahmed ibn Hanbal fi aqidatihi an nathkura mahasin as-sahaba ajma'in wa an nakuffa an dhikri ma shajara baynahum فمن سبهم أو انتقاصهم أو تعن فيهم أو عرض بعيبهم فلا يعرف إلا بأنه رافضي أو مبتدع خبيث. Ainsi mes frères, ainsi est la sunna claire établie, comme l'a mentionné l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est mort en 241 de l'Hégire, dans sa croyance, lorsqu'il mentionne que on mentionne seulement le meilleur de tous les compagnons, et on se retient de mentionner ce qui s'est passé entre eux. Ainsi, celui qui les insulte, qui les rabaisse, qui les critique, ou qui mentionne leurs défauts, alors il est considéré comme un rafidi, un innovateur mauvais. ولا شك أن الصحابة يتفاضلون فأفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق ثم بعد ذلك الأربع الخلفاء الراشدون المهديون ثم العشرة ثم أصحاب بدر ثم أهل البيعة ثم أهل بيعة الرضوان على الصحيح. Et donc il n'y a pas de doute, mes frères, que les compagnons sont différents dans les mérites. Le meilleur des compagnons, c'est Abu Bakr le Siddiq. Puis ensuite, les califes bien guidés. Puis les 10 promis au paradis. Puis ceux qui ont participé à Badr. Puis ceux qui ont fait l'allégeance de Redouane, Al-Hudaybiyah en l'an 6 de l'Hégire, selon l'avis le plus correct des ulema. فَإِنَّ السُنَّ أَيْضًا مَلِيئَ بِالثَّنَى عَلَيْهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُ وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكُمْ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا الحديث لو لم يرد إلا هو لكفى في إثبات فضلهم ومكانتهم. La sunna, mes frères, est remplie d'éloges sur les compagnons. Et il suffit de mentionner le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas mes compagnons. Si l'un de vous donnait en aumône la montagne de Uhud en or, cela n'équivaut pas à une poignée en aumône de l'un d'entre eux, ni même la moitié, comme l'a rapporté le Bukhari et Muslim. Et s'il n'y avait que ce hadith, mes frères, il aurait suffi pour affirmer le mérite et le rang des compagnons radiallahu anhum. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم صفوة صفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit dans sa croyance, al-Wasitiyya, celui qui examine avec science et discernement leur biographie, ainsi que les mérites dont Allah les a comblés, sera de science certaine qu'ils sont, après les prophètes, les meilleurs des créatures. Il n'y avait pas comme eux et il n'y aura pas comme eux. Ils sont l'élite de l'élite de toutes les générations de cette communauté. Laquelle est la meilleure communauté et la plus noble auprès d'Allah. Encore une fois, mes frères, malheureusement, le temps est vraiment trop court, mais si on commence à parler des Sahaba, on pourrait faire une série de 50 cours, rien que sur les Sahaba. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بآل البيت فقال رحمه الله فحب جميع الآلاء والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. Ensuite, l'auteur mentionne les gens de la maison et il dit « Donc l'amour de toute la famille et des compagnons pour nous, les adeptes de la vérité, une obligation confirmée. » فَإِذَا قِيلَ مَنْ أَلُ بَيْتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ هُمَ الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الصَّدَقَةَ وَيَدْخُلُ فِيهِمْ أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ وَقَرَابَتُهُ مِنْ بَنِي هَاشِمْ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. Si on parle des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela concerne ceux pour qui l'aumône est interdit. Cela comprend donc ses femmes, sa descendance et ses proches. Ses proches parmi Banu Hashim et Banu Abdul Muttalib. La shak wa la raib anna aqidat ahli sunnah wal jama'a fi ahli bayt nabihi sallallahu alayhi wa sallam annahum yuhibbunahum wa yuqirunahum ويثنون عليهم فقد ذكرنا فضل الصحابة وآل بيت النبي صلى الله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في زمنه هم صحابة. إذن هذا الفضل الذي ذكرناه آنفا يدخلون فيه رضي الله عنهم وزاد على ذلك مع كونهم صحابة أنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلهم حق زائد. Il n'y a aucun doute que la croyance des adeptes de la sunna et du groupe concernant les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'ils les aiment. Hein? On aime les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les honore et on fait leurs éloges. Et nous avons mentionné les mérites des sahaba. Et les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vivaient à son époque étaient des sahaba. Par conséquent, ce que nous avons mentionné plus tôt est valable pour eux aussi. Mais en plus de cela, ils font partie des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc un droit supplémentaire. Amma al-adilla fahiya kathira fi kitabillah wa fi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu yaqul fi al-Qur'an innama yuridu Allahu li yudhhiba 'ankum ar-rijza ahli al-bayt wa yutahhirakum tathira. Quant aux preuves, mes frères, elles sont très nombreuses dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah mentionne dans le Coran, au sens approché, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement. Wa fi sahih muslim, khatab sallallahu alayhi wa sallam an-nas bima'in yud'a khumma bayna Mekka wal Madina. Fa hamid Allah wa athna alayhi. ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي إذا هذا الفضل العظيم لآل بيته صلى الله عليه وسلم. Et dans l'authentique de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux gens dans un endroit qu'on appelle Khumman, entre la Mecque et Médine. Il a loué Allah, il a fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et il lui a fait ses éloges. Et il a exhorté et il a rappelé, puis il a dit: ô vous les gens, certes, je ne suis qu'un homme à qui le messager de son Seigneur va bientôt venir et je vais lui répondre. Je vous ai laissé deux choses d'une lourde importance. La première est le livre d'Allah. Il s'y trouve la guidée et la lumière. Prenez le livre d'Allah et accrochez-vous à lui. Alors il a exhorté et appelé vers le livre d'Allah. Puis il a dit: et les gens de ma maison, je vous rappelle Allah concernant les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah concernant les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah concernant les gens de ma maison. Et ceci est donc un mérite énorme pour les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد كان الصحابة يعرفون قدر أهل البيت وقول الصديق رضي الله عنه عندما دخل على فاطمة كما في الصحيحين فخاطبها وخاطب عليا ثم قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أسل من قرابتي. Et les compagnons connaissaient la valeur des gens de la maison. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il est parti voir Fatima, comme cela est mentionné dans les deux authentiques, Al-Bukhari wa Muslim, il s'adressa à elle et à Ali. Ali était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le gendre. Il a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, votre parenté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est plus aimé pour moi que je garde les liens avec mes proches. Fala shak wa la raib. أن الإيمان الحقيقي يكمل بمحبة آل البيت لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للعباس وهو عمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي رواه الإمام أحمد. Il n'y a pas de doute que la foi véritable devient complète avec l'amour des gens de la maison, dû à leur parenté avec le messager d'Allah. Voilà pour sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'Abbas, son oncle paternel: par celui qui tient mon âme dans sa main, ils ne croiront pas tant qu'ils ne vous aimeront pas pour Allah et pour ma parenté. Et donc nous ne prenons pas la voie des rawafid, ceux qui ont rendu mécréants les compagnons, qui les ont détestés et qui les ont insultés, tout comme nous ne prenons pas la voie des nawasib, hein, qui sont le contraire des rawafid, ceux qui ont nui, ceux qui ont fait du mal aux gens de la maison et qui les ont critiqués et qui les ont rendus mécréants jusqu'à qu'ils ont tué certains d'entre eux. Wazada al-bayt bi fadli wa qad dhakarna shay'an min hadha al-fadl lakin hadha al-sharaf wa hadha al-fadl وهذا النسب أيضا لا ينفع مع عدم الإيمان فأبو لهب وعم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كافر بالله العظيم وسيخلد في النار جهنم أبد الآبدين فإن التقوى إنما هي التي ترفع الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالإنسان بعمله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Les gens de la maison ont plus de mérites et nous avons certes mentionné certains de ces mérites. Cependant, cette noblesse, ce mérite et cette lignée, elle ne peut être profitable qu'avec la foi. Ainsi, mes frères, Abu Lahab, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était son oncle. Cependant, il a mécru en Allah et il restera éternellement dans le feu de l'enfer. Par conséquent, la piété, la taqwa, c'est la chose qui élèvera la personne, comme Allah le mentionne au sens approché. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Ainsi, l'individu est jugé par ses œuvres. Celui qui est ralenti par ses œuvres, sa lignée ne le fera pas accélérer, comme a mentionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Muslim. Malgré donc ce mérite énorme pour les gens de la maison, le meilleur des compagnons, sans contestation, reste Abu Bakr Siddiq, même s'il ne fait pas partie des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma anzala Allah azza wa jalla عليه وأنذل عشيرتك الأقربين حذر أهل بيته وبدا بهم وناديهم. Mais plutôt lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset sur lui au sens approché et averti les gens qui te sont les plus proches, il a averti les gens de sa maison et il a commencé par eux en les appelant. Ya bani Manaf, la ughni ankum min Allah shay'a. Ya Abbas ibn Abd al-Muttalib, la ughni anka min Allah shay'a. Wa ya Safi, ya Safiya, عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا بل قال صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Et donc il les a appelés, il a dit: ô Bani Manaf, je suis pour vous d'aucune utilité devant Allah. Ya Abbas ibn Abd al-Muttalib, je suis pour toi aucune utilité devant Allah. Ya Safiya, tante du messager d'Allah, je ne suis pour toi d'aucune utilité devant Allah. Ya Fatima, fille de Muhammad, je ne suis pour toi d'aucune utilité devant Allah. Demande de mes biens ce que tu désires, je ne suis pour toi d'aucune utilité devant Allah. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et il a même dit sallallahu alayhi wa sallam: si Fatima, la fille de Muhammad, volait, alors je lui couperai la main. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. D'accord ? Et avec ça, le shir termine l'explication concernant Ahlul Bayt. Donc là, mes frères, vous voyez, on est déjà à 50 minutes. Hein, il nous reste encore pas mal de sujets. Donc malheureusement, ça me fait un peu de la peine. Mais je vais lire que la partie en français pour pouvoir terminer à temps, Inch'Allah. Ensuite, l'auteur mentionne la croyance des adeptes de la Sunna et du groupe concernant le Coran. Il dit: ومن قول أهل الحق أن كلامه واللفظ والمعنى جميعا مجود. Et parmi la parole des adeptes de la vérité, que sa parole est constituée parfaitement de mots et de significations ensemble. Et il n'y a pas de doute que ceci est la croyance des adeptes de la Sunna et du groupe. Le Coran est la parole d'Allah qui a été descendue. Il est composé de sourates, de versets et de mots. Et tout ceci, Allah a parlé avec. Il a parlé avec des lettres et avec des significations, comme l'a mentionné l'auteur, l'imam Si'di, rahimahullah. Par conséquent, Jibril a entendu le Coran de la part d'Allah. Puis le prophète a entendu le Coran de la part de Jibril. Puis les nobles compagnons ont entendu le Coran de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, mes frères, le Coran est écrit dans l'Ouh al-Mahfouz, hein, et dans les masahif qui sont entre nos mains. Nous le récitons, nous le lisons et nous l'écoutons. Et ceci donc est la parole d'Allah, comme les salafs, ils ont dit. Ils ont dit quoi, les salafs? Ils ont dit: minhu badaha wa ilayhi ya'oud. De lui, il a commencé et vers lui, il retourne. Il a été rapporté que Amr ibn Dinar, qui est mort en 126 de l'Hijr, rahimahullah, qui était un tabi'i, hein, avec une bonne chaîne de transmission, comme l'a rapporté le Bukhari, l'imam al-Bukhari dans son livre Khalqu Afhal al-Ibad, ainsi que Darimi, hein, Ad-Darimi, hein, Uthman ibn Sa'id, hein, qui est mort en 280, hein, il a rapporté également ce athar, cette parole de Amr ibn Dinar qui a dit: j'ai rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ceux qui sont après eux. Ils dirent: Allah est le créateur et tout ce qui est en dehors de lui est créé, et le Coran est la parole d'Allah. De lui, il est sorti et vers lui, il retourne. Et même certains ont dit: de lui, il a commencé et vers lui, il retourne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah a parlé avec. Ainsi, il a commencé de lui et vers lui, il retourne. C'est-à-dire à la fin des temps, le Coran sera élevé et rien ne restera dans les masahif, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ceci, mes frères, c'est la croyance des adeptes de la sunna et du groupe Ahl-Sunna wal-Jama'a. Les adeptes de l'innovation Ahl-Bid'a, parmi les Jahmiya et les Mu'tazila et l'Asha'ira et le Kullabiya, sont tous des sectes déviées de l'islam. Ils ont tous dévié dans ce sujet. Et ils ne disent pas que le Coran est la parole d'Allah. Et ils ne disent pas que le Coran n'est pas créé, mais plutôt ils affirment que le Coran est créé. Et Allah, selon eux, l'aurait créé séparément de lui. Et bien sûr, Hein, les versets à ce sujet sont nombreux pour venir contredire cette fausse croyance. Hein, malheureusement, on n'a pas le temps de détailler vraiment le sujet. Cependant, ceux qui veulent plus de détails, qu'ils retournent au cours de nos prédicateurs francophones bien-aimés, hein, qui ont expliqué les livres de la croyance, les livres des salafs. Et donc, les versets sont très nombreux à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, au sens approché, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il entende quoi? La parole d'Allah. Donc c'est la parole d'Allah, et il mentionne qu'il est écouté. Hein? Et Allah nous dit également dans le Coran, أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَلِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Également Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran au sens approché, espérez-vous que des pareils gens vous partageront la foi alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Hein? Et ceci, bien sûr, s'adresse aux gens du livre. Et il est venu à maintes reprises dans le Coran qu'ils falsifièrent la parole d'Allah et qu'ils mettent tout en œuvre dans le fait de la falsifier. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, y a-t-il un homme, hein, il a dit, « Hal min rajulin yahmiluni ila qawmi fa inna quraishan qad mana'uni an uballiga kalama rabbi. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Y a-t-il un homme pour m'amener à son peuple ?» Certes, Quraysh m'a empêché de transmettre la parole de mon Seigneur, comme l'a rapporté l'imam Ahmed et Abu Daoud et Tirmidhi, authentifié par Sheikh al-Albani. Et les prophètes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, affirment qu'Allah parle, et les versets qu'on a mentionnés sont suffisants pour affirmer la croyance des adeptes de la sunna et du groupe. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah ta'ala, wa laysa bi makhluqin wa anna li khalqihi bi qawlin. Il dit, rahimahullah, il n'est pas créé. Et comment ces créatures pourraient avoir une parole comme la parole d'Allah alors qu'elle est la plus extraordinaire? C'est-à-dire que le Coran est miraculeux. Hein? Mu'jiz. Et ceci fait partie des spécificités du Coran. Il est venu avec des versets et des preuves. Et Allah l'a décrit avec cela. Les savants ont utilisé le mot mu'jiz, hein? Miracle, même s'il n'est pas mentionné dans les textes. Cependant, il n'y a pas de mal, nous dit Shir Arafat, dans cette terminologie. Et les musulmans sont unanimes sur le caractère miraculeux du Coran. Personne ne l'a renié, excepté bien sûr les incroyants. Et le sens de miraculeux, c'est-à-dire d'un point de vue de son éloquence, de sa formulation et du fait qu'il informe sur les choses concernant l'inconnaissable, l'invisible, jusqu'à que certains savants sont arrivés à mentionner 35 aspects de son caractère miraculeux. Il est donc un signe et une preuve et un miracle. Et Jubair ibn Mut'im, hein, qui était un des chefs de Quraysh à ce moment, il vint à Médine pour libérer des captifs. Et il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter pendant la prière del Maghrib la sourate At-Tur. Et lorsqu'il a atteint les versets « Am khuliqu min ghayli shay'in am humul khaliqoun »« Am khalaqu s-samawati wal-ard bal la yuqinoun » Am indahum khaza'in rabbika am hum al musaytirun. Lorsqu'il atteint les versets au sens approché, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Ou sont-ils eux les maîtres souverains? Alors, Jubair ibn Mut'im, hein, qui n'était pas musulman à l'époque, a dit, mon cœur a failli s'envoler, Allahu Akbar, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Donc ceci prouve ce que l'auteur a affirmé. Il n'est pas créé, et comment ces créatures pourraient avoir une parole comme la parole d'Allah alors qu'elle est la plus extraordinaire? Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah ta'ala, wa nash'adu anna al-khayra wa sharra kullahu bi taqdirihi wal 'abdu yas'a wa yajhadu. Et nous attestons que tout le bien et tout le mal provient de son destin, et le serviteur œuvre et fait des efforts. L'auteur mentionne maintenant la croyance des adeptes de la sunna et du groupe concernant Al-Qadar, le destin. Et les gens de la sunna et du groupe croient au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et c'est un des piliers de la foi. et tout ce qui existe, Allah l'a voulu. Les textes venant du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnent cela. Et tous les savants, les précurseurs comme les contemporains sont unanimes sur ce sujet. Quant aux preuves, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » et nous avons créé toute chose avec destinée. Et le destin, mes frères, dans la législation et dans la religion d'Allah, concerne la connaissance d'Allah des choses avant qu'elles ne se produisent. Puis leur écriture dans l'Lawh al-Mahfouz, puis la volonté d'Allah pour que ces choses se produisent et qu'elles existent. Puis leur création basée sur ce qui a précédé de sa connaissance, de son écriture et de sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Ainsi est le destin, mes frères, chez les adeptes de la sunna et du groupe. Et ce destin, comme nous le remarquons dans la définition, est composé de quatre choses. Il ne peut être correct sans ces quatre choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi s-sama'i wal-ard inna dhalika fi kitab » Inna dhalika 'ala Allah yasir. Hein, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre. Et c'est pour Allah bien facile. Ce verset extraordinaire dans Sourate Al-Hajj englobe ce qui concerne la connaissance d'Allah, ainsi que ce qui concerne l'écriture. Et le livre en question, c'est Al-Lawh Al-Mahfouz. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Katab Allahu maqadir al-khala'iq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a écrit les destinées de toutes les créatures 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, comme l'a rapporté l'imam muslim. Et Allah mentionne concernant les choses existantes et qu'elles ne peuvent exister que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Hein? Et Allah et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Et ceci est la foi que l'ensemble des choses qui existent et toutes les créatures ne peuvent exister que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait ce qu'il veut. Huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est lui au sens approché, c'est lui qui vous donne forme dans les matrices. Comme il le veut. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa kulli shay, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, et également Allahu khaliq kulli shay, hein, ces différents versets, et Allah a tout créé, également la parole au sens approché, et Allah vous a créé et vous ne savez pas, également la parole Allah est le créateur de toutes choses, ce sont des preuves qui mentionnent que tout ce qui existe a été créé par Allah. Il a créé les entités. Il a créé les attributs de chacun d'entre elles, ou de chacune d'entre elles, et il a créé les mouvements. Tout ceci est créé, et tout ce qui existe en dehors de lui est une créature. Voici donc la croyance des adeptes de la sunna. Et il est rapporté, mes frères, à ce sujet, un hadith de Ubada ibn Samit, dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans lequel Ubada a fait une exhortation à son fils. « Ya bunay, innaka lan tat'ama ta'mal iman » ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. Il a dit, ô mon fils, tu ne connaîtras le goût de la foi et tu ne pourras réellement atteindre ce qu'est la connaissance d'Allah seulement lorsque tu croiras au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Alors son fils a dit, ya abata, wa kayfa li an a'lama ma khayrul qadar min sharri. Il a dit, « Oh mon père, comment puis-je savoir ce qui est bon du destin de ce qui est mauvais ?»« قَالَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْتَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْتِئَكَ يَا بُنَيْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمْ ثُمَّ قَالْ أُكْتُبْ فَجَرَ فِي تِلْكَ السَّاعَةَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ya bunay, in mitta wa lasta ala dhalik, dakhalta an-nar. Allahu akbar. Regardez le père, comment il exhorte son fils. Il lui dit, tu sauras que ce qui t'est arrivé ne pouvait pas te rater. Et que ce qui t'a raté ne pouvait pas t'arriver. Certes, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, La première chose qu'Allah a créée, c'est Al-Qalam. Et il lui a dit, écris tout ce qui arrivera jusqu'à l'avènement de l'heure. Il a dit, ô mon fils, si tu meurs et tu n'es pas sur cela, alors tu entreras dans le feu. Allahu Akbar. Regardez mes frères, Al-Qadar, hein, l'importance du Qadar. Et bien sûr, le Qadar, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à mentionner sur le Qadar, mais comme vous voyez, on a déjà dépassé l'heure. Wallahu al-musta'an. Donc, on ne peut pas trop s'épancher sur le sujet, malheureusement. Ensuite, il nous dit, l'imam, « Wa imanuna qawlun wa fi'lun wa niyya min al-khayli wa ta'ati fiha nuqayyidu. » Ensuite, l'auteur mentionne la croyance des gens de la sunna concernant la foi. Et il dit, « Et notre foi est une parole, une œuvre et une intention. De bien et d'obéissance, nous la délimitons. » Les adeptes de la sunna et du groupe, s'ils parlent de la foi, ils commencent par sa définition. C'est ainsi que l'auteur commença par la définition. Il mentionna que la foi est une parole, une œuvre et une intention. Et Shirou l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné, rahimahullahu ta'ala, il est connu que la foi est l'affirmation, l'iqrar, et non pas seulement le fait de croire, et tasdiq, car l'iqrar implique la parole du cœur, qui est tasdiq, et les œuvres du cœur, qui est la soumission. Donc voilà, mes frères, fin de citation, voilà la définition de la foi dans la langue arabe. Et quelles sont les preuves sur le fait que la foi véritable est composée de la croyance, de la parole et d'œuvres, hein? Et vous connaissez tous, je pense, la définition que certains donnent, khamsa nounet, hein, les cinq noun, hein, qawlu bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa 'amalun bil janan bil arkan, pardon, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Hein, une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une œuvre avec les membres. Elle augmente avec l'obéissance à Rahman et elle diminue avec l'obéissance à Shaitan. Mais quelle est la preuve de ceci? Les preuves sont nombreuses et répandues dans le Coran et la Sunna. Et parmi hein, les preuves dans le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Ya ayyuha al-rasoul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina yqalu amanna bi afwa'ihim wa lam tu'min qulubuhum » Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sens approché « Ô messager, que ne t'afflige pas point ceux qui concourent en mécréance parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru avec leur bouche sans que leur cœur n'ait jamais cru » Et donc, il a mentionné ici, Allah subhanahu wa ta'ala, la foi avec la parole. Lorsqu'il a dit, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, « Amanna bi afwa'ihim » qui ont cru avec leur bouche, qui ont dit, « Nous avons cru avec leur bouche. » Puis ensuite, il a mentionné la foi avec leur cœur, « Wa lam tu'min qulubuhum » sans que leur cœur n'ait jamais cru. Ainsi que, également, qui vient nous prouver cela, le célèbre hadith, dans lequel est regroupée la croyance, la parole et l'œuvre, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Iman bid'un wa sab'un shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa hadha al-qawl wa adnaha imatatul adha anit tariq wa hadha al-fi'l wa al-haya'u shu'batun min al-Iman wa hadha yata'allaq bil-i'tiqad » rawahu Muslim. Donc il y a le fameux hadith, hein, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi est composée de plus de 70 branches. La meilleure, c'est la parole « La ilaha illallah » Hein, ça, c'est la parole. Et la plus basse est d'enlever un mal de la route. Ça, c'est l'œuvre. Et la pudeur est une branche de la foi. Et ceci est rattaché à la croyance. Ainsi, mes frères, les branches se divisent en œuvres faites avec le cœur. Hein, en œuvres faites avec la langue. Et en œuvres faites avec les membres. Ceci est unanimement reconnu par les adeptes de la sunna. Ils n'ont point divergé sur cela. Et beaucoup de savants ont rapporté l'ijma', le consensus, comme al-Shafi'i, al-Bukhari, Abu Ubayd al-Qasim, al-Baghawi, Ibn Abd al-Bar et autres. Tous ceux-là ont rapporté que la foi, c'est une parole, une œuvre et une intention. Et il nous incombe de savoir que les adeptes de l'innovation ont divergé avec les adeptes de la sunna et du groupe sur ce sujet. Une immense divergence. Lorsqu'ils définissent la foi, ils mentionnent qu'elle est seulement le fait de croire, at-tasdiq. Et même certains d'entre eux ont exagéré encore plus, comme les extrémistes parmi les Jahmiyyah et les Murji'a, qui ont dit que la foi c'est juste la connaissance, seulement. Et cela est suffisant pour eux, et il n'y a pas de doute que tout cela est faux. Et enfin, on termine avec le dernier vers pour mon passage. ويزداد بطاعتي مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد. Le shir nous dit, et elle augmente avec les obéissances et le délaissement de ce qu'il a, interdit, et elle diminue sans aucun doute avec la désobéissance et la ruine. Ceci également est un sujet unanimement reconnu chez les adeptes de la sunna et du groupe. Cela fait partie de leur fondement. Abu Ubaid, hein, dans son livre Al-Iman, a mentionné que de nombreux imams ont affirmé cela. Ceux après, auprès desquels il a étudié. Et ils étaient très nombreux, il dit environ 140. Et ce consensus, ce ijma, a également été rapporté par Ishaq ibn Rahouya, hein, qui est mort en 235. Également Abu Zul'a, qui est mort en 264. Abu Hatim, qui est mort en 277. Ibn Jarir, qui est mort en 310. Ibn Abdelbar, qui est mort en 463. Shirul Islam ibn Taymiyyah, qui est mort en 728. Tous ceux-là ont rapporté le consensus sur le fait que la foi est une parole, une œuvre, qu'elle augmente et qu'elle diminue. Et regardez justement, mes frères, ce que dit Shirul Islam sur ce sujet. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, كان الصحابة وجمهور السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. Il a dit, les sahaba et la majorité des salaf affirment que la foi augmente et diminue. Et de nombreuses paroles des compagnons ont été rapportées à ce sujet. Hein? Elles ont été rapportées, ces paroles, par Ibn Abi Shayba dans son livre Al-Iman, ainsi que Abdullah ibn Ahmed, qui est mort en 290, dans son livre Al-Sunnah. Également Al-Khalal, qui est mort lui en 311, dans son livre Al-Sunnah. Al-Ajuri, dans son livre Al-Shari'a, lui qui est mort en 360. Ibn Battah, qui est mort en 387, dans son livre Al-Iban. Ainsi que Al-Lalaka'i, qui est mort en 418, dans son livre qui est très connu, Shar' i'tiqad al-Sunna wal-Jama'a. Également As-Sabuni, dans son livre, hein, qui est mort lui en 449. Tous ces imams, hein, et vous devez les connaître, mes frères. Vous devez connaître ces imams. Vous devez connaître leurs livres. Hein, ces livres qui nous ont présentés, qui ont propagé la croyance des gens de la Sunna. Et donc, dans ces livres, vous trouverez les paroles des sahaba et des salaf sur le sujet. Et on peut en citer, hein, quelques-unes avant de terminer, comme la parole de Umar ibn Habib al-Khatmi, radiallahu anhu, qui était un noble compagnon parmi les Ansar et qui a fait l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Il a dit, comme ceci a été rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf et dans son livre Al-Iman, la foi augmente et diminue. Et on lui demande, quelle est son augmentation et quelle est sa diminution? Il répondit, si on se rappelle notre Seigneur, si on le craint, alors cela est son augmentation. Et si on le néglige, si on l'oublie, alors ceci est sa diminution. Hein, également, ceci a été rapporté, hein, de Abu Darda et Abu Huraira radiallahu anhuma. Et donc, mes frères, ceci est la croyance des adeptes de la sunna et du groupe concernant le fait que la foi augmente et diminue. Et ils sont unanimes sur le sujet. Et les preuves à ce sujet sont très nombreuses. Comme par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, liyazdadu imanam ma'a imanihim. Hein, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aux sans s'approcher, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Ceci est clair dans le fait que la foi augmente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a mentionné, thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Hein, celui qui possède ces trois caractéristiques goûtera à la douceur de la foi. Aimer Allah et son prophète plus que tout. Aimer les gens et ne les aimer que pour Allah. Et détester, retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté au feu. Hein, comme ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Donc ici, c'est une preuve, hein, que l'iman, il monte et qu'il a une douceur. Et nous pouvons rajouter à cela le célèbre hadith, hein, sur le fait de changer un mal. Hein, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, il le corrige de sa main. S'il ne peut pas de sa main, alors qu'il le corrige avec sa langue. S'il ne peut pas avec sa langue, alors avec son cœur. Et ceci est le degré le plus faible de la foi, comme l'a rapporté l'imam muslim. Donc on voit que la foi, elle augmente et elle diminue. Et les preuves sont très nombreuses. Et les Jahmiyyah, wal Asha'ira, wal Mu'tazila, toutes ces sectes égarées sont unanimes à ce sujet pour renier le fait que l'iman, l'iman, la foi augmente et diminue. Hein, et ben, malheureusement, on n'a pas le temps de mentionner la réfutation à ces sectes, Mais alhamdoulilah, les preuves qu'on a citées sont suffisantes pour nous. Et donc la foi, elle augmente avec les obéissances, comme l'a mentionné l'auteur, et avec le délaissement des choses interdites. Et ceci fait partie des plus grandes causes pour faire en sorte que la foi augmente. Alors que pratiquer les désobéissances fait partie des plus grandes causes pour que la foi diminue. Et avec ça, on va terminer l'explication de ces 10 vers. Encore une fois, je suis vraiment désolé, mes frères et mes sœurs. Chaque sujet de ces 10 vers nécessite une série entière de cours. Et alhamdoulilah, nos frères prédicateurs qui nous ont précédés dans la da'wa ont de nombreux cours qui expliquent la croyance des gens de la sunna sur ces sujets. Donc retournez-y. Aujourd'hui, c'était juste une petite présentation et un rappel. Et rappel, car certes, le rappel profite aux croyants. Et on va laisser, inshallah, la parole maintenant à notre frère Mehdi Abou Abdurrahman pour qu'il continue l'explication de ce poème, inshallah. Et demain, nos frères Abdul Karim Plezel et notre frère, notre grand frère Suleiman Al-Aiti, hafidhahumullahu ajma'in, fa jazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته